Chapitre 20. Départ pour la Suède, passage en Finlande. L'empereur quitta Pétersbourg et l'on apprit qu'il était allé à Habo, où il devait voir le général Bernadotte, prince royal de Suède. Dès ce moment, il n'y eut plus de doute sur le parti que ce prince avait résolu de prendre dans la guerre actuelle. Il n'en était point de plus important alors pour le salut de la Russie, et par conséquent pour celui de l'Europe. On en verra l'influence se développer dans la suite de ce récit. La nouvelle de l'entrée des Français à Smolensk arriva pendant la conférence du prince de Suède et de l'empereur de Russie. C'est là qu'Alexandre prit, avec lui-même et le prince royal, son allié, l'engagement de ne jamais signer la paix. « Pétersbourg serait pris, dit-il, que je me retirerais en Sibérie. J'y reprendrais nos anciennes coutumes, et, comme nos ancêtres à longue barbe, nous reviendrions de nouveau conquérir l'Empire. Cette résolution affranchira l'Europe, s'écria le prince de Suède, et sa prédiction commence à s'accomplir. Je revis une seconde fois l'empereur Alexandre à son retour d'Abo, et l'entretien que j'eus l'honneur d'avoir avec lui me convainquit tellement de la fermeté de sa volonté que, malgré la prise de Moscou et tous les bruits qui s'en suivaient, je ne crus pas que jamais il cédât. Il voulut bien me dire qu'après la prise de Smolensk, le maréchal Berthier avait écrit au général en chef russe relativement à quelques affaires militaires, et qu'il finissait sa lettre en disant que l'empereur Napoléon conservait toujours la plus tendre amitié pour l'empereur Alexandre. Fade persiflage que l'empereur de Russie reçut comme il le devait. Napoléon lui avait donné des leçons de politique et des leçons de guerre, s'abandonnant, dans les premières, au charlatanisme du vice, et dans les secondes, au plaisir de montrer une insouciance dédaigneuse. Il s'était trompé sur l'empereur Alexandre. Il avait pris la noblesse de son caractère pour de la duperie. Il n'avait pas su apercevoir que si l'empereur de Russie s'était laissé emporter trop loin par son enthousiasme pour lui, c'est parce qu'il le croyait partisan des premiers principes de la Révolution française, qui s'accordent avec ses propres opinions. Mais jamais Alexandre n'a eu l'idée de s'associer avec Napoléon pour asservir l'Europe. Napoléon crut, dans cette circonstance comme dans toutes les autres, parvenir à aveugler un homme par son intérêt faussement représenté. Mais il rencontra de la conscience, et ses calculs furent tous déjoués, car c'est là un élément dont il ne connaît pas la force, et qu'il ne fait jamais entrer dans ses combinaisons. Quoique M. Barclay de Tolly fût un militaire très estimé, comme il avait éprouvé des revers dans le commencement de la campagne, l'opinion désignait, pour le remplacer, un général très renommé, le prince Kutuzov. Il prit le commandement 15 jours avant l'entrée des Français à Moscou, et ne put arriver à l'armée que 6 jours avant la grande bataille qui se donna presque aux portes de cette ville, à Borodino. J'allai le voir la veille de son départ. C'était un vieillard plein de grâce dans les manières et de vivacité dans la physionomie, quoiqu'il eût perdu un œil par une des nombreuses blessures qu'il avait reçues dans les 50 années de sa carrière militaire. En le regardant, je craignais qu'il ne fût pas de force à lutter contre les hommes âpres et jeunes qui fondaient sur la Russie de tous les coins de l'Europe. Mais les Russes, courtisans à Pétersbourg, redeviennent tartares à l'armée, et l'on a vu par Souvarov que ni l'âge ni les honneurs ne peuvent énerver leur énergie physique et morale. Je fus ému en quittant cet illustre maréchal Kutuzov. Je ne savais si j'embrassais un vainqueur ou un martyr, mais je vis qu'il comprenait la grandeur de la cause dont il était chargé. Il s'agissait de défendre, ou plutôt de rétablir, toutes les vertus morales que l'homme doit au christianisme, toute la dignité qu'il tient de Dieu, toute l'indépendance que lui permet la nature. Il s'agissait de reprendre tous ses biens des griffes d'un seul homme, car il ne faut pas plus accuser les Français que les Allemands et les Italiens qui le suivaient des attentats de ses armées. Avant de partir, le général Kutuzov alla faire sa prière dans l'église de Notre-Dame de Kazan, et tout le peuple, qui suivait ses pas, lui cria de sauver la Russie. Quel moment pour un être mortel ! Son âge ne lui permettait pas d'espérer de survivre aux fatigues de la campagne. Mais il y a des instants où l'homme a besoin de mourir pour satisfaire son âme. Certaine de l'opinion généreuse et de la conduite noble du prince de Suède, je me confirmais plus que jamais dans la résolution que j'avais prise d'aller à Stockholm avant de m'embarquer pour l'Angleterre. Et vers la fin de septembre, je quittai Pétersbourg pour me rendre en Suède, par la Finlande. Mes nouveaux amis, ceux que la conformité des sentiments avait rapprochés de moi, vinrent me dire adieu. Sir Robert Wilson, qui va chercher partout une occasion de se battre et d'enflammer ses amis par son esprit. Monsieur de Staines, homme d'un caractère antique, qui ne vit que dans l'espoir de voir sa patrie délivrée. L'envoyé d'Espagne, le ministre d'Angleterre, Lord Tyrconnel, le spirituel amiral Bentinck, Alexis de Noailles, le seul émigré français de la tyrannie impériale, le seul qui fut là, comme moi, pour témoigner pour la France. Le colonel Dornberg, cet intrépide Essois, que rien n'a détourné de son but, et plusieurs Russes, dont les noms ont été depuis célèbres par leurs exploits. Jamais le sort du monde n'avait couru plus de dangers. Personne n'osait se le dire, mais chacun le savait. Moi, seule, comme femme, je n'étais pas exposée, mais je pouvais compter pour quelque chose ce que j'avais souffert. Je ne savais pas, en disant adieu à ces dignes chevaliers de la race humaine, qui d'entre eux je reverrais, mais déjà deux n'existent plus. Quand les passions des hommes se soulèvent les unes contre les autres, quand les nations s'attaquent avec furie, on reconnaît en gémissant la destinée humaine dans les malheurs de l'humanité. Mais quand un seul être, semblable à ces idoles des Lapons, encensé par la peur, répand sur la terre le malheur par torrent, on éprouve je ne sais quel effroi superstitieux qui porte à considérer tous les honnêtes gens comme des victimes. Lorsqu'on entre en Finlande, tout annonce qu'on a passé dans un autre pays et qu'on a affaire à une autre race qu'à la race esclavonne. On dit que les Finnois viennent immédiatement du nord de l'Asie et que leur langue n'a point de rapport avec le suédois, qui est un intermédiaire entre l'anglais et l'allemand. Les figures des Finnois sont pourtant pour la plupart tout à fait germaniques. Leurs cheveux blonds, leur teint blanc, ne ressemblent en rien à la vivacité des figures russes. Mais aussi leurs mœurs sont plus douces. Les gens du peuple y ont une probité réfléchie qu'ils doivent à l'instruction du protestantisme et à la pureté des mœurs. Vous voyez le dimanche les jeunes filles revenir du sermon, à cheval, et les jeunes gens les suivants. On trouve souvent l'hospitalité chez des pasteurs de Finlande, qui considèrent comme leur devoir de loger des voyageurs, et rien n'est plus pur et plus doux que l'accueil qu'on reçoit dans ces familles. Il n'y a presque point de château ni de grand seigneur en Finlande, de manière que les pasteurs sont d'ordinaire les premiers parmi les habitants du pays. Dans quelques chansons finnoises, les jeunes filles offrent à leurs amants de leur sacrifier la demeure du pasteur, quand même on la leur donnerait en partage. Cela rappelle ce mot d'un jeune berger qui disait « Si j'étais roi, je garderais mes moutons à cheval. » L'imagination même ne va guère au-delà de ce que l'on connaît. L'aspect de la nature est très différent en Finlande de ce qu'il est en Russie. Au lieu des marais et des plaines qui entourent Pétersbourg, on retrouve des rochers, presque des montagnes, et des forêts. Mais, à la longue, on s'aperçoit que ces montagnes sont monotones, ces forêts composées des mêmes arbres, le sapin et le bouleau. Les énormes blocs de granit qu'on voit épars dans la campagne et sur les bords des grandes routes donnent au pays un air de vigueur. Mais il y a peu de vie autour de ces grands ossements de la terre, et la végétation commence à décroître depuis la latitude de la Finlande jusqu'au dernier degré de la terre animée. nous traversâmes une forêt à demi consumée par le feu. Les vents du nord, qui accroissent l'activité des flammes, rendent les incendies très fréquents, soit dans les villes, soit dans les campagnes. L'homme, de toutes les manières, a de la peine à lutter contre la nature dans ces climats glacés. On rencontre peu de villes en Finlande, et celles qui existent ne sont guère peuplées. Il n'y a pas de centre, pas d'émulation, rien à dire et bien peu à faire, dans une province du nord suédois aux Russes. Et, pendant 8 mois de l'année, toute la nature vivante s'endort. L'empereur Alexandre s'empara de la Finlande à la suite du traité de Tilsit, et dans un moment où les facultés troublées du roi, qui régnait alors en Suède, Gustave IV, le mettait hors d'état de défendre son pays. Le caractère moral de ce prince était très digne d'estime, mais, dès son enfance, il avait reconnu lui-même qu'il ne pouvait pas tenir les rênes du gouvernement. Les Suédois se battirent, en Finlande, avec le plus grand courage. Mais, sans un chef guerrier sur le trône, une nation peu nombreuse ne saurait triompher d'un ennemi puissant. L'empereur Alexandre devint maître de la Finlande par la conquête et par des traités fondés sur la force. Mais il faut lui rendre la justice de dire qu'il ménagea cette province nouvelle et respecta la liberté dont elle jouissait. Il laissa aux Finnois tous leurs privilèges relativement à la levée des impôts et des hommes. Il vint avec générosité au secours des villes incendiées, et ses faveurs compensèrent jusqu'à un certain point ce que les Finnois possédaient comme droit, si toutefois des hommes libres peuvent accéder volontairement à cette sorte d'échange. Enfin, une des idées dominantes du XIXe siècle, les limites naturelles, rendait la Finlande aussi nécessaire à la Russie que la Norvège à la Suède. Et l'on peut dire avec vérité que partout ces limites naturelles n'ont pas existé, elles ont été l'objet de guerres perpétuelles. Je m'embarquai à Habo, capitale de la Finlande. Il y a une université dans cette ville, et l'on s'y essaye un peu à la culture de l'esprit. Mais les ours et les loups sont si près de là pendant l'hiver que toute la pensée est absorbée par la nécessité de s'assurer une vie physique tolérable. Et la peine qu'il faut pour cela dans les pays du Nord consume une grande partie du temps que l'on consacre ailleurs aux jouissances des arts de l'esprit. On peut dire en revanche que les difficultés même dont la nature environne les hommes donnent plus de fermeté à leur caractère et ne laissent pas entrer dans leur esprit tous les désordres causés par l'oisiveté. Néanmoins, à chaque instant, je regrettais ces rayons du midi qui avaient pénétré jusque dans mon âme. Les idées mythologiques des habitants du Nord leur représentent sans cesse des spectres et des fantômes. Le jour est là tout aussi favorable aux apparitions que la nuit. Quelque chose de pâle et de nuageux semble appeler les morts à revenir sur la terre, à respirer l'air froid comme la tombe dont les vivants sont entourés. Dans ces contrées, les deux extrêmes se manifestent d'ordinaire plutôt que les degrés intermédiaires. Où l'on est uniquement occupé de conquérir sa vie sur la nature, où les travaux de l'esprit deviennent très facilement mystiques, parce que l'homme tire tout de lui-même et n'est en rien inspiré par les objets extérieurs. Depuis que j'ai été si cruellement persécuté par l'empereur, j'ai perdu toute espèce de confiance dans le sort. Je crois cependant davantage à la protection de la Providence. Mais ce n'est pas sous la forme du bonheur sur cette terre. Il s'ensuit que toute résolution m'épouvante, et néanmoins l'exil oblige souvent à s'y déterminer. Je craignais la mer, et chacun me disait « Tout le monde fait ce passage, et il n'arrive rien à personne ». Tels sont les discours qui rassurent presque tous les voyageurs. Mais l'imagination ne se laisse pas enchaîner par ce genre de consolation. Et toujours cet abîme, dont un si faible obstacle vous sépare, tourmente la pensée. M. Schlegel s'aperçut de l'effroi que j'éprouvais sur la frêle embarcation qui devait nous conduire à Stockholm. Il me montra, près d'Abo, la prison où l'un des plus malheureux rois de Suède, Éric XIV, avait été renfermé pendant quelque temps avant de mourir dans une autre prison, près de Gripsholm. « Si vous étiez là, me dit-il, combien vous envieriez le passage de cette mer qui maintenant vous épouvante ? Cette réflexion si juste donna bientôt un autre cours à mes idées, et les premiers jours de notre navigation me furent assez agréables. Nous passions à travers des îles, et quoiqu'il y ait beaucoup plus de dangers près du rivage qu'en pleine mer, on n'éprouve jamais cette terreur que fait ressentir l'aspect des flots qui semblent toucher au ciel. Je me faisais montrer la terre à l'horizon d'aussi loin que je pouvais l'apercevoir. L'infini fait autant de peur à notre vue qu'il plaît à notre âme. Nous passâmes devant l'île d'Aland, où les plénipotentiaires de Pierre Ier et de Charles XII traitèrent de la paix, et tâchèrent de fixer des bornes à leur ambition sur cette terre glacée, que le sang de leurs sujets avait pu seul réchauffer un moment. Nous espérions arriver le lendemain à Stockholm, mais un vent décidément contraire nous obligea de jeter l'ancre sur la côte d'une île toute couverte de rochers entremêlés de quelques arbres, qui ne s'élevaient guère plus haut que les pierres dont ils sortaient. Cependant, nous nous hâtâmes de nous promener sur cette île pour sentir la terre sous nos pieds. J'ai toujours été fort sujette à l'ennui, et, loin de savoir m'occuper, dans ces moments tout à fait vides, qui semblent destinés à l'étude. Ici, le manuscrit est interrompu. Après une traversée qui ne fut pas sans danger, ma mère débarqua à Stockholm. Accueillie en Suède avec une parfaite bonté, elle y passa 8 mois, et ce fut là qu'elle écrivit le journal qu'on vient de lire. Peu de temps après, elle partit pour Londres et y publia son ouvrage sur l'Allemagne, que la police impériale avait supprimé. Mais sa santé, déjà cruellement altérée par les persécutions de Bonaparte, ayant souffert des fatigues d'un long voyage, ma mère se crut obligée d'entreprendre sans délai l'histoire de la vie politique de M. Necker, et d'ajourner tout autre travail jusqu'à ce qu'elle eût achevé celui dont sa tendresse filiale lui faisait un devoir. Elle conçut alors le plan des considérations sur la Révolution française. Cet ouvrage même, elle n'a pu le terminer, et le manuscrit de ses 10 années d'exil est resté dans son portefeuille tel que je le publie aujourd'hui. Note de M. de Staël, fils. Ici se termine 10 années d'exil de Germaine de Staël.